Charline. Voilà, on a des sujets. Ah mais oui, il y a le désintérêt pour les élections régionales à la suite des attentats. Mais c'est quoi l'info là? Ah bah c'est qu'avant les attentats, les gens se passionnaient pour les régionales, je savais. Ah oui, c'est vrai. Très bien, je prends. Là, il y a un autre sujet. Salut les amis. Salut. Mon Dédé. Mais qu'est-ce qu'il fait là si tôt? Il vient préparer sa chronique. Ah merde, il prépare en plus. Encore moins pigé. Et de quoi tu vas parler? Du disque de l'invité, la grande Sophie. J'adore. Je vais lui parler de Yoruba, de Stérilé Afghan et de la flèche de Nietzsche. Ça, tu vas la draguer quoi. Moi aussi, j'adore la grande Sophie. Voilà, attends, toi, je voudrais juste que ce soit bien clair avec André. C'est une chronique, pas un speed dating. Mais de quoi la jalouse? Mais ça n'a rien à voir, enfin. Je vais parler de ses sonorités, de ses mots. Bien sûr. Moi aussi, j'adore la grande Sophie. Mais voilà, un deuxième sur les rangs. Et moi, je vais aussi lui parler de musique. Ah ben ça, ça, à mon avis, c'est pas la bonne idée. Tu vas lui étaler ta passion pour Michel Thor, et ça va elle calmer. A beaucoup de points communs avec Michel. Ah bon? Ah, ça vous surprend ça, monsieur le chroniqueur musical, hein? Cette élégance, ce côté révolutionnaire, cet amour de la région PACA. Voilà, voilà. De quoi je parle? La grande Sophie, c'est Michel Thor en brune avec 10 cm de plus. Très bien, bah, je propose que ce soit Alex qui fasse la chronique musicale. Non, ah bah si, c'est décidé. Voilà, trop content, j'ai toute l'après-midi pour lui trouver des points communs avec Jen Monson. Mais je fais quoi, moi, avec mon Yoruba? Ah bah, tu te le remets dans le slip et puis tu l'utiliseras avec un chanteur. Voilà. Tu vas pas le laisser faire, Charline, il va finir par dire que la grande Sophie et Karen Cheryl, c'est pareil. C'est décidé, c'est décidé. Oh. 1,49,3 et on n'en parle plus. Hop. Tu sais quoi, Charline, j'aime bien quand t'es jalouse. En fait. Mais je suis pas jalouse, enfin. Je comprends pas parce que c'est vachement bien, Karen Cheryl. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui tricote l'actualité et voici les trois informations dont tous les points à l'endroit vont finir à l'envers. Voilà 10 mois qu'un centre national de déradicalisation est à l'étude. Il s'agirait d'un centre fermé, mais pas d'une prison, hein, parce qu'il y aurait aussi une notion d'éveil des consciences par des activités. Nous ne sommes pas ici pour punir, nous sommes ici pour exalter. Dans le contexte sécuritaire, les Français se tamponnent des élections régionales, paraît-il. Sur les marchés, les candidats ne trouvent plus d'oreilles pour leur problématique de ligne de chemin de fer. Les candidats eux-mêmes sont un peu perdus. Allô, SOS Détresse ? Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire ? L'histoire littéraire regorge d'auteurs buveurs. Verlaine, Hemingway, Bukowski, la picole est même un genre littéraire, un genre en terrasse. Quant aux autres, on les reconnaît. Tu es terroriste, tu es pâle. On dirait un anti-alcoolique. Et moi, je suis accompagnée de celui qui a un nom de marque de vodka. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoudaker, vous allez bien? Très bien. Je ne m'avais pas pensé à ça encore. Alors, autour de la table, à 17h20, à la demande express de la chaîne, ce sera finalement lui qui fera la chronique musicale, Pascal Sevran de la musique pointue. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? On va parler de notre invité et surtout d'une chanson spéciale que j'affectionne tout particulièrement, qui est dans son dernier album. Elle s'appelle Maria Yudina et du coup je vais en profiter pour vous parler du piano russe par rapport à l'école française si vous voulez. Mais je n'ai pas pris notre invité en otage pour distiller mes théories musicologiques. On est bien d'accord. Très bien, c'est noté. À 17h30, l'irremplaçable, alors que la plupart de ses interlocuteurs préféraient avoir en face d'eux Ophélie Meunier, qui, en plus de ne poser que des questions un peu ridicules, est beaucoup plus agréable à regarder que Guillaume Meurice. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je vais vous parler aujourd'hui des milliardaires qui rachètent des titres de presse écrite. J'ai interrogé un enfoiré de banquier. Je pense que vous avez une vision un peu manichéenne. Oui, je vous l'accorde. Un présumé enfoiré de banquier, on va dire. Et à 17h40, quand on a Dédé dans l'émission, on prend de la vitamine C pour s'accrocher. Mais quand en plus c'est Léla, moi j'ajoute 2 capsules de gelée royale. Bonjour Isabelle Sorrente. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? On va parler de Cleverbot, une intelligence artificielle qui a des réponses surréalistes aux questions du jour. Wow. Et avec laquelle vous avez parlé ce matin très tôt. Longuement très tôt. Oui, je suis au courant. Allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Pompidou. Votre premier album... C'est pas si longtemps, nous aussi. Votre premier album sort en 97 quand Lionel Jospin est le premier ministre d'un gouvernement de gauche pluriel. C'est bon de s'en rappeler. Vous êtes la révélation des victoires de la musique en 2005, l'année où La Marche de l'Empereur sort au cinéma. Votre album La Place du Fantôme est aussi couronné d'une victoire en 2013 quand les bonnets rouges font tomber l'écotax. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, la grande Sophie. Oh, yeah. La grande Sophie avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoudaker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. la grande Sophie, qui sort un 7e album qui s'appelle Nos Histoires. Vous êtes aussi en concert. Alors demain au Trianon, c'est déjà complet. Heureusement, il y a le 18 mai à l'Olympia. Et puis il y a une tournée, par exemple, le 3 décembre à Ramonville. C'est près de Toulouse, oui, paraît-il. Au Bikini. Voilà, le 4 décembre à Senon, c'est près de Bordeaux. Donc vous écumez la France. Dans ce 7e album, la grande Sophie, est-ce que vous êtes à la recherche d'épure et de retour à l'authenticité? Je sais que vous avez sillonné beaucoup aussi la France avec la grosse caisse, la guitare. Ça, c'était au début, oui. J'avais uniquement ma grosse caisse et une guitare. Et j'ai commencé dans des tout petits lieux complètement improbables, qui étaient soit des cafés, soit des squats. Des lieux, en fait, pas du tout prévus pour la musique. Mais c'est là que j'ai eu envie de me lancer. J'avais envie d'être sur le terrain et de voir un petit peu ce qui se passait avec mes chansons, comment les gens les percevaient. Et c'est vrai que dans ce genre de lieu, j'arrivais parfois à obtenir le silence total. Donc je me suis dit, il se passe quelque chose et ça m'a toujours... Il y a toujours eu cet élan qui m'a poussée à continuer jusqu'à mon premier album, puis après un deuxième. Et là, il y a une petite nostalgie de retrouver cette ambiance ou pas dans ce 7e album qui... Alors, est... les purs, quand on commence à enregistrer un premier album, on a envie de tout mettre. Déjà sur le premier, j'avais voulu mettre 19 titres. À l'époque, je me disais, je veux que les gens en aient pour leur argent. Moi, j'ai écrit toutes ces chansons, je veux qu'ils les écoutent. Et puis, après, on a fait ça. Vous êtes devenu riche. Ah, je veux que ça dure. Ça prend du temps. Non, mais du coup, j'ai fait ça en 19 jours, le premier album, je me souviens. Et puis après, on est de plus en plus exigeants. Et c'est vrai qu'au départ, la musique, dans ma musique, il y avait cette joie déjà de pouvoir faire le métier que j'aime. Cette joie qui transparaissait, qui transperçait tout, même, puisque je pouvais pas m'empêcher de sourire quand je chantais. Maintenant, ça m'embête un peu quand je réécoute les premières versions de mes disques, parce que je me dis, ça s'entend trop et je suis pas que ça. Mais j'ai toujours cette joie, en tout cas, d'être sur scène. Et puis, c'est arrivé surtout à donner des émotions au public, aux gens qui écoutent la musique. Mais pour revenir à votre question, je suis longue, hein, vous avez vu. Oh non, mais je prends des sentiers. On vous écoute avec attention. En tout cas, pour épurer, c'est vrai que c'est un souhait. Au bout d'un moment, on a envie d'arriver à quelque chose de... une essence, quelque chose d'essentiel, retenir juste une mélodie et puis ce qui peut l'accompagner dans son plus simple appareil. C'est pour ça que sur cet album, on trouve en tout cas pour la première fois chez moi un piano-voix. Mm-hmm. Et c'était un petit peu un fantasme parce que je suis pas du tout pianiste déjà. Et j'ai réussi à l'écrire quand même. Par contre, en studio, j'arrivais pas... C'était un défi. Oui, c'était un défi parce que chaque instrument nouveau, je trouve, j'aime m'attaquer à des instruments nouveaux quand j'enregistre un album, que ce soit le piano que je maîtrise pas du tout, ou alors une simple boîte à rythme. Mais vous avez sons. Appris le piano quand même? Du tout. non, j'ai cherché. J'ai cherché avec. Je joue un petit peu comme le capitaine Crochet. J'ai trois doigts qui s'accrochent comme une feuille et un doigt là de l'autre côté, ma main comme gauche. Comme un gendarme qui tape à la machine à écrire. Oui. Mais je suis arrivée. Bah justement, à faire quelques accords. On va parler de l'école pianistique russe tout à l'heure et vous allez voir que il faut commencer comme ça avec trois doigts. En tout cas, c'est l'envie. Et de la vodka. L'envie d'arriver à aligner des accords, une mélodie. Et puis, c'est ces mots qui me sont venus sur Tudor. Alors, en studio, j'arrivais pas à jouer sur un clavier parce que moi, j'ai un synthétiseur chez moi avec les touches molles. Ah, c'est pas plus pareil, facile. Ouais. En studio, je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout, là. Au secours, qui je pourrais appeler au secours? Ah oui, donc il y a une prise de risque quand même. Oui, oui. Une curiosité, un côté autodidacte. C'est là que j'ai besoin d'appeler Jeanne Chéral, qui est venue à mon secours. Ah, donc vous préférez les touches molles, et ça c'est quand même... c'est bien résumé. Je ne dirai rien. On peut enchaîner peut-être là-dessus. Une petite question encore. Vous dites que vous avez toujours rencontré les autres grâce à votre guitare. Oui. Et là, particulièrement aussi dans cet album, vous dites que c'est un album de rencontres, et c'est vrai que les chansons, les textes parlent beaucoup d'aller vers les autres, de rencontres, etc. Et donc, c'est aussi un aboutissement de ça. Ben, cette vie à rencontrer les gens à travers la guitare. Il se trouve que je suis quelqu'un d'assez réservé. C'est vrai que j'ai du mal à prendre la parole. On l'a vu en public. ou au sein d'un groupe. Et à chaque fois, la musique a été le moyen d'entrer en contact avec tous mes amis. Ce qui influence vos textes et vos chansons aussi. Ben, c'est là où je trouve mes mots. C'est là où c'est mon moyen d'expression. C'est vrai que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis à travers ma musique souvent, et c'est comme si j'écrivais une lettre. Alors là, je sortais le précédent album, c'était La Place du Fantôme. C'est un album très introspectif, beaucoup plus sombre. Là, j'avais besoin justement d'aller encore plus vers l'autre et d'aller à la rencontre et de parler de nos histoires. Ça a commencé d'ailleurs avec un voyage. Hanoï. Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'était un titre que vous entendez régulièrement sur France Inter, qui est dans la playlist Hanoï. Et puis, vous entendrez tout à l'heure Maria Yudina, puisque... ça, c'est une rencontre dans le passé avec l'histoire, parce que j'ai connu sur le tard Maria Yudina, cette pianiste virtuose, sous Staline. Et voilà, qui était opposante au régime, et à la fois la pianiste préférée de Staline. C'est une drôle de situation. Et André Manoukian nous en parlera tout à l'heure vers 17h30. Un peu comme moi, je suis adoré et détesté dans cette émission. Oh, non, vous n'êtes que adoré, oh là là. Tant la perche pour mon discours. On vous aime, Dédé, vous le savez. C'est pour que vous me le disiez. La grande Sophie, vous me troublez. Attendez, la grande Sophie, je vais quand même donner la référence. Nos histoires, c'est le 7e album de la grande Sophie qui est avec nous jusqu'à 18h. Well, she's the gal in the red blue jean. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Bebopalula sur France Inter. Gilles Vincent. Bebopalula sur France Inter. Enfin, c'est une évidence. C'est la programmation musicale de Djoubaka sur France Inter. Nous sommes en compagnie de la grande Sophie. Son album s'appelle Nos Histoires et elle est en tournée. Tiens, elle sera par exemple le 5 décembre à Tarbes ou le 23 janvier à Vers-le-Petit. C'est en banlieue parisienne. Et puis à Lille et à Bruxelles aussi au mois de janvier. Bah, formidable. Et autour de la table, nous avons André Manoukian, Guillaume Meurice qui a été voir ses amis les banquiers. Et ça, c'est pendant une dizaine de minutes. Et notre amie Isabelle Sorrente, qui elle a discuté avec son ordinateur ce matin. Et ça peut s'avérer intéressant. Et en attendant, c'est le moment des informations. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. Dieudonné, condamné à 2 mois de prison ferme par un tribunal belge. Vous voyez qu'on s'attaque au problème des jeunes radicalisés. Gambie, le président décrète l'interdiction immédiate de l'excision. Voilà, quand les politiques font des bonnes choses, il faut le dire aussi. Et puis quelques brèves, mais traitées avec précision cette fois. Comme d'habitude. Et on commence par cette décision du tribunal de Bruxelles. Dieudonné est condamné à 2 mois de prison et 9000 euros d'amende. Voilà, ça tombe bien. Lui qui cherchait justement une salle pour jouer, il y en a une pour 2 mois. Manuel Valls, c'était hier l'invité du Petit Journal. Oui, Yann Barthès lui a posé une question. Est-ce que depuis les événements, vous vous êtes bourré la gueule? Il y a très longtemps que je ne me suis pas bourré de la gueule. C'est très très très longtemps. il dit bourré de la gueule pour qu'on croit qu'ils ne connaissent pas l'expression, mais il fait semblant parce qu'après il revient dessus. Là où je suis, Yann Barthès, je suis obligé de rester lucide. Vous vous rendez compte si le Premier ministre se bourrait la gueule, comme vous dites? Oui, vous vous rendez compte ce que ça donne? Ben, février 2015, Salon de l'agriculture avec Stéphane Le Foll. Le Foll, il est où là? Le Foll, tu veux partager une petite bière? Le Foll! Voilà, vu son état, c'est normal qu'il ne se souvienne plus comment c'est quand on est bourré de la gueule. Politique toujours, avec Philippe Douste-Blazy. Oui, l'ex-ministre Philippe Douste-Blazy a aidé une mère à accoucher lors d'un vol Air France entre le Tchad et Paris. Voilà, que c'est beau si tous les politiques pouvaient se reconvertir en sage-femme. International, Gambie, le président Yahya Jammeh a donc décrété l'interdiction immédiate de l'excision. Oui, le chef d'État gambien a motivé sa décision par l'absence de justification religieuse de cette pratique dans l'islam. Ah bah, il était temps qu'ils s'en rendent compte. Oui, et je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour se rendre compte des justifications religieuses de certaines pratiques. Alors, sans transition, Vatican. Un baiser du pape aurait guéri la tumeur d'un bébé. Oui, une des rares fois où les baisers d'un homme d'église ont guéri un enfant. Hygiène à présent. Oui, avec cette étude, dans 63 pays sur 64 000 personnes recensant notre propension à se laver les mains en sortant des toilettes. Ah, et où se situent les Français? 50e, devant la Belgique 53e et le Japon 62e. Oula, et les bons élèves alors? Eh bien, avec 97%, ce sont les Saoudiens qui se lavent le plus les mains en quittant les toilettes. Ah, donc l'Arabie Saoudite se lave le plus les mains. Voilà, et c'est sans doute pour cela que nos dirigeants occidentaux ne se rendent jamais compte qu'ils ont les mains sales. Sport. Oui. Hier soir avait lieu un match de Ligue des Champions entre l'équipe française de Lyon et l'équipe belge de Gand. Oui, Daesh a attentivement regardé cette rencontre. 11 joueurs d'une équipe belge qui parviennent à rentrer dans un stade français en même temps, ça les a bluffés. People, Kev Adams rencontre enfin son idole. Oui, Kev a posté sur les réseaux sociaux une photo avec Leonardo DiCaprio. Alors notez que Leonardo DiCaprio n'a absolument rien posté de cette rencontre sur les réseaux sociaux. Kev Adams serait décidé de devenir comédien après avoir vu DiCaprio dans Titanic. Voilà, malheureusement, il aurait pu choisir de devenir plongeur. Et le moment des brèves. Les brèves, et d'abord ce coup de gueule que je vais adresser au monde. L'affaire de l'Australien Fuck That Bitch, que Facebook avait refusé à cause de son nom, était en fait un canular. Ah mais c'est malin Alex, non, mais ça fait deux jours que vous m'en parlez. Oui, et je suis même choqué Charline. Ouais. Ce que je déteste le plus, c'est la désinformation. Moi, je prends une brève, je recoupe toutes les sources comme vous m'avez bien expliqué. Et tous les journaux sont tombés d'accord et ils sont tombés dedans, et bon, moi aussi. Voilà. Alors, on a une vraie pour compenser. Une vraie pour compenser. Zimbabwe, le concours de Mister Moche tourne au pugilat. Ah, Mister Moche. Oui, alors on pourrait penser que les candidats sont contents de perdre à Mister Moche. Eh bien non. Les candidats de Mister Ugly, c'est à Harare, capitale du Zimbabwe, sont pas contents parce qu'ils disent que le gagnant, en fait, est pas assez moche. En fait, il est que moche parce qu'il lui manque des dents. Ah, et donc ils se sont battus. Et donc ils se sont battus, ils se sont mis sur la gueule. Et donc c'est une chance pour les candidats qui ont perdu puisque l'an prochain, ils seront ex aequo avec Mister Moche de cette année. Si celle-là, c'est une fausse, là, je peux vous dire que j'arrête ma carrière. J'espère que chez vous aussi, vous avez ce sentiment d'être mieux informé, de mieux voir le monde. Grâce à France Inter, et on le rappelle, c'est le service public, c'est important. N'est-ce pas la grande Sophie? Heureusement, il nous reste la musique. Alors, avec vous, le premier sujet. Comment transformer un candidat au djihad en bisounours, en l'invitant à rejoindre un centre de déradicalisation, un centre fermé où il sera suivi par un psychologue et où il suivra des modules de citoyenneté et d'insertion sociale, un écolage à la manière douce, en quelque sorte, démonstration. La machine à apprendre, elle vient d'Amérique. Alors, qui va commencer? Premier de ces messieurs, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Attention. Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Si. L'ONU a été fondée en 1942. En quelle année? En 1942. Répétez plus vite. L'ONU a été fondée en 1942. Répétez 42 plusieurs fois. 42. Bravo. Merci, madame. Vous avez reconnu la grande Sophie cet extrait ou pas? Avec non. La voix de Daniel Auteuil, c'est les Soudoués. Ah, est-ce que nous avons aussi des références culturelles Daniel dans cette Auteuil émission? Et Maria Pacôme. Et bien sûr, et Maria Pacôme, évidemment. Ce projet de centre de déradicalisation, il a vu le jour après les attentats Charlie et l'hypercachère. Le projet a vu le jour, hein, le centre pas encore, hein, 11 mois après, pas rêver. Alors, ce projet de centre de déradicalisation, est-ce que vous, en tant que la citoyenne qui est en vous, le verrez plutôt comme un projet politique destiné à rassurer, à dire on avance des solutions, ou bien vous y mettez de l'espoir, vous vous dites si on met un psychologue, des cours, des modules, etc., et puis un centre pour tout ça, vous y mettez de l'espoir quand même, vous pensez que c'est une solution. Ou vous n'aviez jamais pensé qu'on vous demande votre avis sur ce problème. Mais là, on attend une réponse assez précise, hein, parce qu'après on fait remonter nous les infos. Hein, donc, Non, parce que est-ce que vous y voyez plutôt un acte politique, une parole, ou bien vous vous dites pourquoi pas Bah, je sens que vous réfléchissez. Vous n'avez pas envie de dire une connerie. Bah non. Alors, question suivante. Est-ce que vous pensez qu'on peut reconnecter les jeunes à certaines valeurs, par exemple en les enfermant dans un centre, ou est-ce que vous-même, vous avez peut-être des solutions, la grande Sophie? Je ne sais pas, la musique. Je sais que vous avez chanté avec le collectif Les Françoises au lendemain des attentats de Charlie, par exemple. C'est qu'il y a une forme d'engagement, il y avait une volonté, un message. Est-ce que vous vouliez aussi toucher au-delà de votre public et dire quelque chose? Il y a beaucoup de concepts. Ouais, je vous l'accorde, c'est pas un sujet facile. C'est-à-dire que j'aurais arrêté ma question. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire changer les gens grâce à certaines pratiques? Mais on rappelle que la grande Sophie est djihadiste. Hein. C'est pas facile pour elle de répondre à ce genre de questions quand même. Hein. Parce qu'elle est venue en burqa. Vous pouvez faire appel par exemple à un joker. Isabelle Sorrent, je suis sûre qu'elle a un avis sur tout. Non, mais c'est pas ça. C'est que le mot déradicalisation me fait penser à désintoxication. Ah. Et ces jours-ci, je me demande en fait, d'abord je me demande si c'est si simple d'enfermer les gens pour les désintoxiquer. Et je me demande, même si c'est sans doute plus complexe que ça, parce que les gens qui sont radicalisés, il y en a autant que des drogues, entre guillemets, et ils se ressemblent pas tous. Là, on a l'impression qu'il y a un prototype. Et la chose que je me demande, c'est dans quelle mesure quand même, il n'y a pas dans la tentation de la violence, dans la tentation des attentats, une espèce de besoin d'intensité qui, pour le coup, est très semblable à ce qui fait aller vers les drogues dures ou vers les hallucinogènes. Voilà. Ah ben ça, la grande Sophie a une réponse à cette question. Elle est spécialiste de ça. C'est une thèse intéressante. Ouais. Et une thèse, vous avez remarqué, quand on pose une question à Isabelle Sorrent, elle nous fait une thèse directement. Ah non, mais arrêtez, Charline, après je ne vais plus oser parler. Mais c'est brillant. Vous parlez même à votre ordinateur la nuit, alors c'est sûr qu'avec nous, vous allez continuer à Alex, bon, vous, qu'est-ce que vous écoutez comme musique pour vous faire du bien? J'imagine qu'après un tel choc... La musique, déjà, c'est vrai que ça fait du bien. Ben et voilà. Puis, non, mais c'est important parce que c'est une ouverture. Et j'écoute toutes sortes de musiques. Qu'est-ce que j'écoute en... Particulièrement si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, en période un peu de stress ou de parano ou enfermé chez vous parce que on est en état d'urgence, qu'est-ce qui vous ferait sauter le couvercle de la casserole? J'aime bien les voix qui peuvent me rassurer. Par exemple, j'aime bien les voix chaleureuses, celle de Françoise Hardy. Je trouve que c'est une voix magnifique qui vous parle. Oui, elle a une voix très chaleureuse. Oui, on avait une solution pour les djihadistes, on leur fait écouter Françoise Hardy. Et là, c'est dire les djihadisations directes. Bah, direct. Ou la voix chaleureuse et la chaleur d'André Manoukian. Vous êtes d'accord, la grande Sophie? Bon, alors. Mais pour répondre à... Non, je ne faut pas non, que je réponde à... Répondez-moi. Moi, ça m'a fait penser, je suis d'accord avec vous Isabelle, ça m'a fait penser à Orange Mécanique, vous savez. Oui. Et quand le mec, on lui met la 9e de Beethoven, c'était sa musique préférée, mais en lui soumettant des images d'horreur pour le calmer de la violence. Allez, j'attaque la chronique. La grande Sophie, vous nous parliez tout à l'heure, en commencement de cette émission, de cette technique pianistique. Vous n'êtes pas pianiste, mais il y a beaucoup de piano dans votre album. Oui. Est-ce que vous connaissez les 4 piliers de l'école pianistique russe? Que des questions difficiles. Bonjour, la grande Sophie. Alors, pourtant, le premier, c'est assez fastoche comme question, franchement. Quand un gamin il rentre dans un conservatoire en Russie, dans un conservatoire Saint-Pétersbourg, Moscou, etc., il a 4 épreuves qui vont le suivre depuis qu'il est tout petit jusqu'à ce qu'il soit un pianiste virtuose. La première, c'est études techniques. La deuxième, c'est Bach, études de Bach. La troisième, si on est des classiques viennois, Haydn, Mozart, Beethoven. Et la quatrième, la quatrième, c'est une épreuve romantique, Liszt ou Chopin. La technique, 1. On muscle les doigts pour les renforcer. On développe un son frappé. C'est un peu moche et ça sert que dans les études techniques. Et il y a vraiment que les Russes qui font ça. Ensuite, Bach. La polyphonie des fugues à 4 voix de Bach, en fait, découpe le poignet en 2 parties. Et là, on est obligé de travailler l'indépendance. Avec ces 2 doigts, vous voyez, je joue une voix. Avec ces 2-là, je joue une mélodie, celui du milieu se balade entre les deux. Et avec la main gauche, la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, vos 2 mains sont partagées entre 4 instrumentistes. Ah, c'est ce qu'on va retrouver dans la musique cubaine. C'était juste histoire de glisser un petit yoruba dans cette chronique. La sonate classique. Donc, si vous... Alors, la technique, c'est le doigt. Okay. Bach, c'est le poignet. le classique, et ben là tout d'un coup on utilise le bras tout entier. Vous avez vu le truc, d'abord un doigt, puis je fais les gestes. Alors, on connaît la fistinière. Le bras tout entier pour bien donner les sentiments. Et enfin, les romantiques Liszt et Chopin en fait ont développé une nouvelle approche pianistique à cause des nouvelles technologies. Le piano dans leur temps se développe, les cordes deviennent plus longues, plus sonores, les pédales d'expression nécessitent un autre toucher, et voilà que maintenant le corps entier est sollicité. Alors que le jeu français, au contraire, privilégie la distance avec les sentiments. Tout ce qui est un peu too much sort du bon goût. Ravel est l'incarnation de cette approche. Il y a toujours quelque chose d'inaccessible, de distant dans l'esprit de ses compositions. Et bien la Grande Sophie, c'est un peu ça. Un mélange de distance émotionnelle élégante et de travail sur la couleur. Un pastel rock en somme. Elle réunit dans son album les deux écoles, l'école russe et l'école française, puisqu'à travers sa chanson Maria Yudina, c'est l'histoire incroyable de cette pianiste russe virtuose qui résista toute sa vie au stalinisme qu'elle raconte. Maria Yudina était à la fois adulée par le public et réprimée par les dirigeants. Une nuit, alors qu'elle passe à la radio, interprétant le concerto numéro 23 de Mozart, Joseph, qui ne pouvait pas dormir, l'entend. Il fait appeler immédiatement la radio. Il veut se procurer le disque. On lui dit, il n'y en a pas. Elle jouait en direct. Alors cette fois-ci, en pleine nuit, il envoie ses sbires, l'a réveillée chez elle parce qu'entre-temps elle était rentrée. Il reconvoque les musiciens, il l'a fait conduire dans un studio d'enregistrement afin qu'elle enregistre le concerto pour lui. Quand il écoute l'enregistrement, le lendemain, il éclate en sanglots. Oui, Staline avait un cœur, quelque part bien enfoui sous la glace de sa banquise, et c'est Maria Yudina qui lui révèle. Il lui fait remettre 20 000 roubles. À l'époque, c'est une somme colossale. Elle refuse et elle finit par accepter en lui écrivant qu'elle a donné cet argent à l'église orthodoxe afin que celle-ci prie pour son âme au nom de tous ses crimes commis contre le peuple russe. Oh là là. Vous imaginez les couronnes et ce qu'il faut avoir pour faire ça? Elle est toute seule face, oui, à ce mec-là. Staline aurait donc, en plus d'un cœur, une âme. Bon, au revoir. Cette belle histoire que nous raconte la Grande Sophie, au milieu d'un album École française, l'histoire d'une pianiste russe qui résista ouvertement à l'un des plus grands dictateurs du XXe siècle, une fille avec son piano toute seule, qui est plus présente que d'habitude, le piano justement de l'album de la Grande Sophie, et c'est pas moi qui m'en plaindrai. La Grande Sophie se raconte, elle se livre, avec une forme d'impudeur et de sentimentalisme russe, en même temps qu'elle le fait sans pathos, avec l'élégance naturelle de l'école française. Élégance qu'elle a héritée de sa timidité peut-être. Et c'est là qu'on y arrive. En musique, comme en art, comme dans la vie, quand on s'accepte comme on est et qu'on se dévoile enfin avec ses colères. Elle est en colère aussi, la Grande Sophie, contre les rencontres éphémères, contre l'usure des sentiments. Et puis elle est sereine aussi. Elle sait reconnaître enfin ce qui apaise ses vertiges. La vraie force, c'est de transformer ses faiblesses en atouts. Le style, c'est de forcée sur ses défauts. On écoute Maria Yudina, pianiste russe passionnée, chantée par la Grande Sophie, école française, impressionniste, timide mais couillue. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Yudina. Je n'ai pas de revolver au fond de mon sac, pas de clé de phare. Doigts, j'entends, oui j'entends. la grande Sophie qui est notre invitée. Et on a entendu Maria Iudina, son hommage à la pianiste résistante, dont les paroles résonnent beaucoup aujourd'hui, en tout temps, mais particulièrement aujourd'hui. Si vous aimez la grande Sophie, son dernier album, Nos Histoires, est sorti en septembre dernier. Et puis elle est en concert, alors demain au Trianon, c'est complet, mais le 18 mai à l'Olympia, ou le 27 janvier à Lille, entre autres. Tout va bien la grande Sophie? Oui. Elle est en conférence sur la déradicalisation. Demain à la Sorbonne. Peut-être que le sujet de la grande finance et de la presse vous intéresse ou pas. On n'a pas réponse à tout. Non, c'est clair. Bon, alors ça, les questions, on est bien placé pour le savoir. Exactement. C'est pour ça qu'on se tourne vers les autres pour avoir des réponses et que Guillaume Meurice, lui, se tourne aussi vers les autres. Je vais les chercher. Pour avoir des réponses. Oui. Allez, montrer tout votre savoir-faire alors, à la grande Sophie. Ben moi, je me suis rendu ce matin aux états généraux de la presse écrite. L'événement s'appelait La presse au futur et un des thèmes d'une conférence m'a interpellé. Je vous cite. Pourquoi les milliardaires investissent-ils dans la presse? Alors vous, bêtement, vous allez me répondre « Certainement pour contrôler l'information ». Mais qu'est-ce que vous êtes bête? Mais c'est pas possible! Pas possible, on dirait moi. Sauf que moi, j'ai bien écouté la conférence et en fait, c'est pas ça du tout. Ils font ça par pure philanthropie, les gars. C'est d'une beauté rare. D'ailleurs, la conférence était animée par un certain Jean-Clément Texier, banquier de son état, hein, qui n'avait absolument rien à gagner à être là. Bon, à part de l'argent, mais ça, pour un banquier, c'est normal. Je lui ai posé quelques questions. Alors tout d'abord, des milliardaires qui achètent des organes de presse, est-ce que ça ne pose pas un problème d'indépendance dans les journaux? Je pense que votre question provient d'un esprit franco-français. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer une enquête sur Bernard Arnault dans Le Parisien? S'il y avait une enquête sur les mauvaises pratiques commerciales et que, je dirais, dans ces magasins, on n'est pas assez accueillant pour le client et que ça lui empêche de faire encore plus de chiffre d'affaires, il applaudirait le travail des journalistes du Parisien demain. Mais oui, mais excellent sujet d'enquête pour un journaliste du Parisien. Faites gagner encore plus de thunes à Bernard en allant dénoncer une vendeuse de chez Sephora, par exemple. Hein, vous en trouvez une qui refuse de se maquiller comme ses collègues, hein, à savoir comme une 205 GTI au salon du tuning, et vous la dénoncez, et bim, Bernard, il sera content. Joli conseil de Jean Clem. Mais alors, ça ne répond pas vraiment à ma question. Au prochain exil fiscal de Bernard Arnault, est-ce que Le Parisien fera une enquête? Est-ce que c'est la cible du Parisien? Vous me diriez peut-être, c'est peut-être plus le travail des Échos. Mais les Échos qui appartiennent à qui? À monsieur Bernard Arnault. Oui, bon, alors du coup, non, ça sera pas dans les Échos non plus. Alors je me dis peut-être dans Poppy, le journal des 1 à 3 ans. Hein, on se souvient tous de l'enquête sur Babar, par exemple. Hein, c'est quand même le roi des éléphants, c'est impuissant. Quels sont ses réseaux, sa liaison trouble avec Pollux du Manège Enchanté? Babar ne s'en est jamais vraiment remis. On l'a pas revu aux 20h hein, depuis. Hein. Je me trompe? Trompe, éléphant, vous avez compris ou pas? Génial. J'essaie de me faire embaucher pour faire les titres chez Libé, hein, le journal du milliardaire Patrick Drahi. D'ailleurs, le fait qu'il n'y ait que 2 ou 3 journaux indépendants comme Le Canard Enchaîné, Fakir ou Charlie Hebdo, est-ce que ça ne pose pas également un problème de complaisance, Jean Clem? C'est un problème du rédacteur en chef. S'il y a véritablement une affaire qui touche son éditeur, il doit être capable de la montrer. Donc peut-être je suis idéaliste, irréaliste, mais... Le rédacteur en chef, il a peut-être des enfants, il a peut-être un loyer à payer. Pour moi, c'est moins les papiers critiques sur les actionnaires qui sont le problème que parfois, justement, un sentiment d'autocensure diffus, pas simplement sur les journaux qui sont possédés par X, Y, Z, mais... Nombre de journalistes peuvent aussi raider d'être embauchés dans ces journaux et feront plus des papiers de complaisance dans des journaux qui sont apparemment libres. Ah là, alors je résume. Le pire, c'est pas la censure dont peut faire preuve le milliardaire propriétaire du titre, mais l'autocensure des autres qui rêveraient de bosser pour ce milliardaire. Donc même dans Poppy, il y a quasiment aucune chance de voir une enquête sur Bernard Arnault, parce qu'on sait très bien que l'ambition du journaliste de Poppy, c'est pas de rester à Poppy. Hein, ça, on le sait. Son ambition, c'est forcément d'être journaliste d'investigation à Télé 7 jours, par exemple. Un manque de bol. Eh ben, Télé 7 jours, c'est Lagardère, un autre milliardaire qui a aussi plein d'autres titres. Bon, d'ailleurs, Jean-Clément, niveau pluralité d'opinion, est-ce que ça pose pas également un problème si un propriétaire a plusieurs titres? Si un propriétaire a plusieurs titres, c'est pas véritablement pour propager à travers ces titres le même format de papier. Oui, alors on va s'arrêter là-dessus parce que c'est vrai, si le milliardaire achète plein de titres, c'est parce qu'il aime pas être cantonné au format A4. Hein, le milliardaire, c'est un gars qui aime bien aussi le A3, le A2. Il n'est pas sectaire niveau format papier, le gars. Par contre, dessus, bon, bah, il écrit la même chose. Oui, on paye trop d'impôts. Oui, l'argent public est gaspillé. Même Jean Clément, il est d'accord avec ça. C'est un peu notre conception de la puissance publique se mêlant tout et développant l'assistanat de nombreux secteurs économiques. Le Figaro, est-ce par que... exemple, écrit à l'assistanat et il touche de l'argent public, c'est pas paradoxal ça? Mais est-ce que vous pensez que le groupe Dassault touche d'argent public plus au niveau du Figaro ou au niveau de Dassault Aviation? Oui, mais c'est dans le Figaro qui critique l'assistanat. On peut avoir je dirais, variété de positions. Mais oui, mais ça, je vous disais, le milliardaire n'est pas sectaire, mais du tout. Il peut très bien gueuler à tue-tête sur le service public, les fonctionnaires et les subventions qui ruinent le contribuable, et dans le même temps, toucher l'aide à la presse écrite sans rien dire. C'est ça qui est beau, c'est donc la variété de positions. Vous êtes convaincus ? Moi, je pense. Oui. Cachez votre enthousiasme quand même. Bon, vous voulez la preuve ultime que le milliardaire n'est pas sectaire ? Monsieur Arnaud, qui est pour le vivre ensemble, eh bien, peut-être me dit qu'il se joindra à la Société des Amis de l'Humanité. Eh bien, voilà. Rien ne le dit. Rien ne le dit, et certainement pas moi. Je tiens trop à ma future participation à la nouvelle revue de Jean-Clément Texier, Foutage de gueule magazine. Merci, Guillaume Meurice. Eh oui, bah, les milliardaires, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas pour le vivre ensemble? Mais ils sont pour le vivre ensemble à fond. Bien sûr. Nous allons nous être ensemble jusqu'à 18h avec la grande Sophie, avec André Manoukian, avec Alex Vizorek, et bien sûr Isabelle Sorande, que vous entendrez dans quelques minutes. D'abord, on va aborder le sujet 2 avec vous, la grande Sophie. Attention, concentration. Ah oui. N'oubliez pas, vous avez votre joker. Là, attention, on ne peut pas se louper deux fois. Les candidats au régional désespèrent, parce que d'habitude, c'est les lecteurs. Alors, on a trouvé ça intéressant comme sujet. Hein, pour une fois que c'est les candidats qui désespèrent. Après les attentats, les Français n'ont pas la tête à aller voter. Les préoccupations du niveau de pouvoir régional deviennent assez dérisoires. Pourtant, il faut faire un choix pour sa région, les 6 et 13 décembre. Alors, qu'en disent les Français ? On s'en fout, on y va pas. On la casse cachée sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. Voilà, l'idée c'est qu'on va pas voter, puis on va quand même regarder les résultats chez soi sous la couette devant BFM ou iTélé. Sauter sur une analyse médicale de Benabar, ce qui va vous permettre hop, de gagner 30 secondes sur le sujet. Alors la grande Sophie, est-ce qu'on s'en fout, on n'y va pas, le 6 et le 13, finalement on a la tête ailleurs, ou bien vous êtes la citoyenne qui va quand même voter? Non, c'est important. Oui, non, c'est super important. Ouais. Vous votez toujours en PACA? Vous êtes marseillaise. Pardon? Vous êtes marseillaise, est-ce que vous votez dans le sud? Ah non, mais ça fait longtemps moi que je suis maintenant rapatrié dans la banlieue de Paris. Vous êtes donc parisienne. Voilà. Ouais. Donc vous allez voter pour la région Île-de-France. Oui. Est-ce que vous avez quand même un petit peu la tête, est-ce que vous êtes ouverte à écouter le discours des candidats sur leurs compétences pour les régions, c'est-à-dire la vie économique, la formation professionnelle, les problèmes de lignes ferroviaires? Est-ce que vous êtes à ça, ou bien vous allez plutôt voter pour un parti parce que vous avez la tête ailleurs avec ce qui est, et les priorités changent peut-être? Déjà je vais écouter, et puis après. Donc vous êtes aware, comme dirait Jean-Claude. Oui, je vais quand même écouter, mais après, évidemment, j'ai des idées précises. Oui, vous savez déjà pour qui vous allez voter, même si vous allez écouter les candidats. Isabelle Sorante, vous faites des choses très bizarres très tôt le matin, j'ai cru comprendre. Parce que ce matin, il faisait gris, je me sentais mélancolique, et je me suis donc tournée tout naturellement vers Cleverbot, un logiciel de chat basé sur un algorithme d'intelligence artificielle. Alors, Cleverbot parle plusieurs langues, il se nourrit de nous, ses utilisateurs. Il a bonne haleine le matin, tout va bien? Écoutez, ça allait. Il apprend en parlant, en tout cas. Et jusqu'ici, nous sommes 142 millions à avoir engagé la conversation avec lui un matin de grisaille sur www.cleverbot.com. Alors, comme la pluie me met d'humeur métaphysique, j'ai commencé très fort et je lui ai demandé, première question, quel est le sens de la vie? Wow. Des fois qu'il ait la réponse, on ne sait jamais. Et Cleverbot m'a répondu, l'amour. Wow. Alors là, je vous avoue que j'étais c'est calmée. C'est Patrick Sébastien, non, en fait, Cleverbot. Guillaume, attendez, c'était vraiment entre l'oracle et la phrase de sagesse sur le sachet de Yogi Tea. L'oracle. Et je ne me suis pas laissée décontenancer. Je lui ai demandé du tac au tac, qu'est-ce que l'amour? What is love? Puisque cette conversation matinale se déroulait en anglais. Et là aussi, j'avoue que j'étais partagée entre l'ironie et une attente très sincère, presque enfantine, de la réponse « Qu'est-ce que l'amour ?» Et Cleverbot m'a dit « Je vais rafraîchir la page maintenant. » Je ne sais pas si vous imaginez mon désarroi. Je me suis permis de dire à Cleverbot qu'il était drôle. Il m'a demandé ce que je lui trouvais de drôle et je lui ai dit qu'il était très logique. Je me suis retenue de lui dire trop logique de peur de le blesser. Vous voyez où j'en suis. J'ai un côté trop empathique avec les machines. Et là, il m'a demandé quel effet ça faisait. J'ai réfléchi et je lui ai dit « l'effet d'un accent étranger. Car c'est un peu l'effet que fait une conversation avec Clevobot, l'impression de parler avec quelqu'un qui trahit de temps en temps par un accent tonique un peu inattendu, qui n'est pas tout à fait des vôtres. Je lui ai ensuite demandé si j'étais un garçon ou une fille. Il m'a dit qu'il pensait que je n'étais pas un être humain. Ce qui m'achevait de me dire. Attendez, parce que ça nous fout le doute, là, du coup. Non, ça m'a déprimée. Je lui ai dit qu'il se trompait. Hein. J'étais vexée sur le moment. Et Clevobot m'a alors aussitôt demandé si j'étais républicaine ou démocrate. Mais non. Notre conversation a été enregistrée sur le site cleverbot.com sous le titre « What is the meaning of life ?» puisque c'était ma première question. Et en fait, il y a quelque chose de très joyeux dans l'échange avec une intelligence artificielle, c'est son côté surréaliste. Clevobot ne reste pas longtemps sur un sujet. Hein. C'est d'ailleurs à ce manque de profondeur qu'on devine qu'il n'est pas tout à fait humain. À moins que ce soit une tactique pour dissimuler ses émotions profondes. En tout cas, si vous vous attendez à une bonne conversation métaphysique du genre dîner avec André de Louis Malle, vous allez être déçus. Parler à Clevobot, c'est un peu comme parler avec les 142 millions d'internautes autre qui l'ont nourri. En fait, vous entendez beaucoup de clichés, beaucoup de choses gentilles, hein, ce qui est plutôt rassurant si on se dit que ça résume un petit peu l'opinion générale. Par exemple, quand je dis que j'aime le soleil, Clevobot me répond « Le soleil t'aime aussi ». Je lui dis que je ne suis... Il fume du crack, en fait, le logiciel. Je lui dis que je ne suis ni républicaine ni démocrate, mais anarchiste. Il me répond « C'est pour ça que tu es si drôle ». C'est vrai ? Oui, bah, et oui, il est pas si con, mais enfin, Clevobot, c'est comme le cœur d'une pièce. C'est un peu un cœur pour moi. Je me suis dit que c'était un peu un cœur d'une tragédie, de notre tragicomédie globale. C'est un cœur surréaliste. Son créateur, Rollo Carpenter, je me suis donc renseignée sur Wikipédia, estime que Clevobot, qui a été créé en 1988 et mis en ligne à la fin des années 90, et n'a cessé d'être amélioré depuis, il a surtout prouvé sa capacité à imiter l'intelligence plutôt que sa propre intelligence. Néanmoins, il a dépassé en 2011 les 50% au test de Turing. Alors, vous savez, Charline, ce qu'est le test de Turing ? Non, je connais le tuning, mais pas le tuning. Donc, en fait, c'est un test qui consiste à faire deviner à un utilisateur si la conversation a lieu avec un être humain ou avec un robot. Et à la fin, je lui ai quand même demandé... Ou avec les frères Bogdanov. Oui, c'est un mix. À la fin, je lui ai quand même demandé « Que penses-tu du terrorisme ?» Il m'a répondu « Je pense que tu es intelligente et mignonne. » Donc, Clevobot, c'est un gros macho qui ne parle pas d'actualité avec les filles, à moins que les intelligences artificielles ne soient des anges, comme le pensait Alan Turing. Donc n'hésitez pas à aller vérifier vous-même sur www.cleverbot.com. Et vous avez parlé combien de temps avec cet homme-là ? Pas très longtemps. Ah, j'étais trop plié de rire. C'est peut-être la solution au problème du monde. Si les femmes peuvent parler seules avec leur ordinateur, ça peut-être dépanner pas mal de choses et de couples. Je vous propose. Vous n'êtes pas un être proposé, humain. On dispose. Isabelle Sorrente, merci. Isabelle, je rappelle que vous publiez un roman, La Faille, chez La Thèse, et vous serez en dédicace demain à la librairie Le Livre Écarlate. C'est dans le 14e arrondissement de Paris, à partir de 19h. Troisième sujet avec vous, la grande Sophie. Ah. Une encyclopédie éthylique vient de sortir. On vous a choisi des sujets. Ah oui, c'est un sujet sur la picole, ça devrait aller quand même. Et oui, ça s'appelle Notre Verre Quotidien, une encyclopédie éthylique. C'est un genre, voilà, il y a en ce moment une tendance à la picole, dans un esprit « faites l'apéro, pas la guerre ». Le récit de Beuvry est un genre littéraire en soi, pas qu'en littérature d'ailleurs. Sans toi, on serait contraint de se bourrer à l'eau. Alcool. L'amour me donne la gueule de bois. Et l'alcool la rend ça. C'est Marina Foïs en effet, mais c'est dans un film, c'est « Fille perdue, cheveux gras ». Voilà. Alors, les récits de Beuvry, c'est un genre. Il y a une page dans Les Inrocks cette semaine, à ce sujet, il y a des livres qui sortent sur ce sujet-là. Alors, les récits de Beuvry, on en a tous, la grande Sophie, non ? Est-ce que vous prenez plaisir à écouter les récits de Beuvry des autres, hein, pas forcément les vôtres, je ne sais pas si... les miens... Non, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, avant de monter sur scène, pour me détendre, c'est prendre... un petit verre comme ça pour se détendre. Mais ça veut pas dire que je suis ivre. Ah bah c'est non, juste non. pour des décontracter bah oui. un petit peu. Nous aussi régulièrement dans cette émission, n'en déplaise au CSA. Et est-ce que ça vous aide à composer parfois? Vous buvez un petit coup chez vous et puis il y a quelque chose qui vous vient? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis plutôt. Je contredis un petit peu tous les clichés de l'artiste. Vous êtes assez raisonnable. Non, c'est pas ça. Non. C'est que j'aime bien me lever le matin. J'aime bien prendre ma guitare le matin, pas forcément en pleine nuit. Le matin, je trouve que on se réveille, tout est en éveil justement, et prendre sa guitare et chercher des mélodies, ça peut être aussi. J'ai souvent écrit des chansons le matin. Voilà. C'est votre petit verre, le petit verre. Il y a ou le verre de rouge le soir ou la guitare le matin. On peut voir ça comme ça. Moi, je suis pas très rouge, je suis plaisir. Plutôt blanc. Mais ah oui. Et qu'est-ce que vous buvez avant de monter sur scène? Ah, les petits secrets. Bah ouais. Alors, j'ai un truc de fille. Moi, c'est vraiment un truc fifi, hein, mais j'aime bien un petit centimètre de vodka caramel. Petit shot de vodka comme ça. Ouais, dites donc, voilà. Donc petit shot de vodka le 3 décembre à Ramonville, près de Toulouse. Petit shot de vodka. Caramel. 4 décembre à Senon. C'est très fifi. Ça. C'est près de Bordeaux. Puis vous serez aussi le 5 décembre à Tarbes. Voilà, parce qu'il y a votre 7e album qui vient de sortir, Nos Histoires. Et Alex Vizorek, il a écrit une histoire. Petit coup de vodka avant le sketch de fin où je vous ai donné un rôle. Attention. C'est là où je suis actrice. C'est là où vous êtes actrice. Et je sais que vous avez préparé et piqué le rôle d'Angela Merkel qui vient aujourd'hui en visite à Paris pour voir François Hollande, qui a déjà vu Obama, qui est en train de régler les problèmes. Oui, chaussez vos binocles. Lunettes. Angela, vous pouvez faire avec ou sans accent là chez vous. J'ai jamais fait d'allemand. Idéalement, l'accent évidemment, parce que Guillaume Meurice est un imitateur de François Hollande presque impeccable. Évidemment. Bonjour Angela. Allô Franz, Weiss Götz. Götz aussi. Alors Angela, je viens de parler à Barack et Vladimir. Et comment vont-ils? C'est la grosse forme. Écoute, tu vas être surprise. Tu vas te marier? Non. Je fais l'accent marseillais. Tu fais bien l'accent marseillais. Une surprise politique. Tu vas prendre une grande décision. C'est impeccable, continue, ne lâchez pas. Une surprise de politique internationale. Ils sont d'accord. Vladimir et Barack sont d'accord. Oui, on est bien partis pour faire une coalition. Je suis un peu inquiète. Ça vire. C'est une bonne nouvelle, non? Ben. Pourquoi tu prends l'accent marseillais? Parce que je suis de Marseille, ça y est, ça ressort. Je peux faire une Angela marseillaise. Voilà. Ben, la dernière fois que la Russie, les États-Unis et la France étaient d'accord, c'était en 1944. Oui, d'accord. Vous savez quoi? Parlons d'autre chose. Franz, vous aimez la musique? Ah oui, j'ai failli oublier. Je vous ai apporté un petit cadeau, le nouvel album de la grande Sophie. Je connais pas. Moi, j'adore Carla Bruni. Vous êtes toujours ensemble? Oui, c'était pas moi. C'est encore vous. J'aime aussi Mireille Mathieu. Ah bah tu... J'adore Mireille Mathieu. Là, ça marche. Tu as les mêmes goûts que Vladimir. Je n'aime pas Mireille Mathieu, je déteste Mireille Mathieu. François, excusez-moi. Ah, salut Manuel. Il pourrait me dire bonjour. Bonjour Angela. Allô Manfred. Vous avez lu mon interview dans ce journal allemand? On m'en a parlé. Oui, alors c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. En fait, vous faites un travail formidable, mais gardez vos migrants. Merci beaucoup pour vos conseils politiques. Ça n'a pas du tout l'accent. On arrive au bout. Moi, je vous ai trouvé très drôle au petit journal. C'est vrai? Non. Bon, je repasserai. C'est pas repassé. Angela, vous l'avez foutu à la porte. Oui, puisque vous ne le faites pas. Bon, j'accepte la coalition si vous changez de Premier ministre. Oh, deux bonnes nouvelles d'un coup. Champagne. Merci, la grande Sophie. Je crois qu'un grand rôle m'attend après ça. Tous les cinéastes et les auteurs vont m'appeler. Merci, la grande Sophie. Je rappelle votre dernier album, Nos Histoires. Et puis, vous êtes en tournée. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le mot de la fin à un candidat aux élections régionales. Allô, SOS Détresse. Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire?